noir comme l'ébène. Ses cheveux te caressent telle la laine. Oh, Adidoy, un volcan qu'a grondé. Nuit d'amour pour corps calciné. Chaque goutte la soie comme l'acide. La peau est panie en riz. Dans l'œil plongé dans de ne jamais lui faire de peine. Et chaque jour qui se lève vient combler tous mes voeux en mettant les miroirs de mon âme dans ses yeux. Elle est belle, rebelle, parfois pleine de fiel. Une tourterelle qui sous ses ailes m'emmène au ciel. Sur son corps je veux composer une sérénade, pour que mes mains sur sa peau puissent faire une promenade. Fait qu'elle m'a rendu fou d'un baiser sur la joue. Elle devient une tigresse et l'âme met en pièce. Mais la nuit finie et tout ce désir assouvi, comme une chatelle ronronne dans la nuit son nom résonne. Serena, Serena. Noir comme l'ébène.